Nam Sung-woo, vice-président du présidium du comité central de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, a publié le 15 un entretien en faveur de l'appel de la conférence conjointe du gouvernement, des partis politiques et des organisations de notre République. Prenant pour programme impérissable de la réunification de la patrie les lignes et orientations en matière d'unité nationale énoncées par le maréchal Kim Jong-un au 7e congrès historique du Parti Travail de Corée et à l'appel de la conférence conjointe, j'inviterai dynamiquement tous les ressortissants coréens d'outre-mer dans la lutte destinée à réaliser la grande union nationale et la réunification indépendante de la patrie, a-t-il affirmé.